Première partie, chapitre 7 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jérémy. La Commune, par Louise Michel. Première partie, l'agonie de l'Empire. Chapitre 7, l'affaire de la Villette. Nous disions... « En avant, vive la République !» Tout Paris répondra. Tout Paris soulevé, tout Paris sublime, héroïque, dans son sang généreux de l'Empire lavé. La grande ville fut muette. Chaque volet fut clos et la rue est déserte. Et nous, avec fureur, on criait « Aux Prussiens !» Hélène. La République seule pouvait délivrer la France de l'invasion, la laver des 20 ans d'Empire qu'elle avait subis, ouvrir toutes grandes les portes de l'avenir fermées par des monceaux de cadavres. Dans Montmartre, Belleville, au quartier latin, les esprits révolutionnaires et par-dessus tous les autres, les blanquistes, criaient aux armes. On savait l'écrasement dont le gouvernement n'avouait qu'une seule chose, la charge des cuirassiers. On savait que 4000 cadavres et le reste prisonniers, c'était tout ce qui restait du corps d'armée de Frossard. On savait les Prussiens établis en France, mais plus terrible était la situation, plus grands étaient les courages. La République fermerait les plaies, grandirait les âmes. La République, ce n'était point assez de vivre pour elle, on y voulait mourir. C'est dans ces aspirations que le 14 août 70 eut lieu l'affaire de la Villette. Les blanquistes, surtout, croyaient pouvoir proclamer la République avant que l'Empire vermoulu s'écroulât de lui-même. Pour cela, il fallait des armes, et comme on n'en avait pas assez, on voulut commencer par prendre la caserne des pompiers, boulevard de la Villette, au 141, je crois, dont on aurait pris les armes. Un pompier attendu avait été tué. Il n'était que blessé et l'a fait connaître lui-même depuis. Le poste était nombreux, bien armé. La police, prévenue on ne sait comment, tomba sur les révolutionnaires. Ceux de Montmartre, arrivés tard, vinrent sur le boulevard désert, dont les volets étaient fermés avec bruit. La voiture dans laquelle avaient été jetés eux des bridaux, prisonniers, entourés de mouchards et d'imbéciles qui criaient « Aux Prussiens !» Tout était fini pour cette fois encore, mais l'occasion reviendrait. Le 16 août, une sorte d'avantage remporté par Bazaine à Borny et grandi à dessein par le gouvernement afin de le brandir devant la crédulité populaire, semblait retarder encore la marche de l'armée française. Les combats de Gravelotte, Raisonville, Villonville, Mars-la-Tour furent les derniers avant la jonction des deux armées prussiennes qui entourèrent d'un demi-cercle l'armée française. Bientôt, le cercle allait se fermer. Le gouvernement continuait à annoncer des victoires. Ces bruits de victoire rendirent plus facile la condamnation à mort d'Eudes et de Bridau. Certains radicaux, eux-mêmes, appelèrent bandits les héros de la Villette. Gambetta avait tout d'abord proposé contre l'exécution immédiate et sans jugement. Le complot de la Villette fut pendant quelque temps à l'ordre du jour de la terreur bourgeoise. Les révolutionnaires, cependant, n'étaient pas les seuls à juger la situation et les hommes à leur juste valeur. Il y avait dans l'armée même quelques officiers républicains. L'un d'eux, Nathaniel Rossel, écrivait à son père, en ce même 14 août où l'on tenta de proclamer la République à Paris, la lettre suivante, conservé dans ses papiers posthumes. J'ai eu, depuis le début de la guerre, des aventures étranges et assez nombreuses. Mais un trait particulier qui t'étonnera, c'est que je n'ai jamais été envoyé au feu. J'y suis allé quelques fois, mais pour mon seul agrément, et j'ai couru peu de dangers. À Metz, je n'ai pas tardé à reconnaître l'incapacité de nos chefs, généraux et états-majors. Incapacité sans remède confessée par toute l'armée. Et comme j'ai l'habitude de pousser les déductions jusqu'au bout, je rêvais, avant même le 14, au moyen d'expulser toute cette clique. J'en avais imaginé pour cela qui ne serait pas impraticable. Je me rappelle que le soir, avec mon camarade X, esprit généreux et résolu qui était tout à fait gagné dans mes idées, nous nous promenions devant ces hôtels bruyants de la rue des Clercs, remplis à toute heure de chevaux, de voitures, d'intendants couverts de galons et de tout le tumulte d'un état-major insolent et viveur. Nous examinions les entrées, comment étaient placées les portes et comment, avec 50 hommes résolus, on pouvait enlever ces gaillards-là, et nous cherchons ces 50 hommes et nous n'avons pas trouvé 10. Le 14 août, vers le soir, nous vîmes du haut des remparts de Serpenoise l'horizon depuis Saint-Julien jusqu'à Queuleu, illuminé de feux de la bataille. Le 16, l'armée avait passé la Moselle et trouvé l'ennemi devant elle. Aussitôt, je fus débarrassé de mon service. Les convois de blessés qui arrivaient annonçaient une grande bataille. Je courus à cheval par Moulins et Châtel jusqu'au plateau de Gravelotte, où j'assistais à une partie de l'action à côté d'une batterie de mitrailleuses magnifiquement commandée. J'ai revu, une fois depuis, le jour de sa capitulation, le capitaine de cette batterie. Le 18, j'allais encore le soir voir la bataille quand je rencontrai le général Grenier. Il en revenait ayant perdu sa division qui se débandait tranquillement, ayant combattu 7 heures sans être relevé. Le lendemain, le blocus fut complété. Je n'en continue pas moins à chercher des ennemis à ces ineptes généraux. Le 31 août et le 1er septembre, ils essayèrent de livrer une bataille et ne savaient même pas engager leurs troupes. Le malheureux Leboeuf chercha, dit-on, à se faire tuer, et réussit seulement à faire tuer sottement beaucoup de braves gens. J'allai le soir du 31 voir la bataille au fort de Saint-Julien, et le lendemain 1er septembre, à la queue du champ de bataille, j'ai rencontré en particulier Saillard, devenu chef d'escadron, qui attendait avec 2 batteries le moment de s'engager. J'ai rarement éprouvé un plus grand serrement de cœur qu'en voyant les dernières chances qui nous restaient aussi honteusement abandonnées, car chaque fois qu'on se battait, je reprenais confiance. N'était-ce pas une chose étrange que ces hommes inconnus, les uns aux autres songeant à la fois à la même heure néfaste, où les despotes achèveraient leur œuvre, les uns à proclamer la République libératrice, les autres à débarrasser l'armée des états-majors insolents et viveurs de l'Empire. Tandis que les victoires par dépêche continuées, sonner leurs troupes sur toutes les défaites, on eût exécuté eux des bridaux, sans les retards apportés à cette exécution par une lettre de Michelet, couverte de milliers de signatures, protestant contre cette criminelle mesure. Un tel vent d'effroi passait sur Paris pendant cette dernière phase de l'agonie impériale, que plusieurs de ceux qui avaient d'abord avec enthousiasme donné leur signature venaient la redemander. Il y allait, disait-il, de leur tête. Comme il y allait surtout de la tête de nos amis eux des bridoux, j'avoue pour ma part n'avoir voulu rendre aucune de ces signatures sur les listes qui m'étaient confiées. Nous fûmes chargés, Adèle Esquiros, André Léo et moi, de porter le volumineux dossier chez le gouverneur de Paris. C'était le général Trochu. Ce n'était pas chose facile d'y parvenir, mais on avait eu raison de compter sur l'audace féminine. Plus on nous disait qu'il était impossible de pénétrer chez le gouverneur, plus nous avancions. Nous parvîmes à entrer d'assaut dans une sorte d'antichambre, entourée de banquettes appuyées contre les murs. Au milieu, une petite table couverte de papier. Là attendaient d'ordinaire ceux qui voulaient voir le gouverneur. Nous étions seuls. On espérait nous chasser poliment, mais après à nous être assises sur une des banquettes, nous déclarâmes que nous venions de la part du peuple de Paris pour remettre en main propre le général Trochu des papiers dont il fallait qu'il eût connaissance. Ces mots de la part du peuple firent un peu réfléchir, on n'osait pas nous jeter dehors, et la douceur fut employée pour nous faire déposer notre dossier sur la table, cela fut impossible à obtenir de nous. L'un de ceux qui étaient là se détacha alors, et revint avec un individu qu'on eût dit être le secrétaire de Trochu. Celui-ci entra en pourparler avec nous, dit que Trochu était absent, il avait l'ordre de recevoir à sa place ce qui était adressé au général. Il voulut bien consigner sur un registre le dépôt du dossier que nous lui remîmes, après des preuves que nous n'étions pas trompés. Ce secrétaire ne semblait pas hostile à ce que nous demandions et il trouva naturel les précautions prises par nous. Le temps pressait, et malgré l'assurance du secrétaire que le gouverneur de Paris avait un grand respect pour la volonté populaire, nous vivions en continuelle crainte d'apprendre l'exécution faite tout à coup dans quelques accès de délire impérialiste. Une armée allemande descendant la Meuse, les Français se replièrent sur Sedan. On lit à ce propos dans le rapport officiel du général Ducrot, celui qui ne devait rentrer que mort ou victorieux, mais ne fut ni l'un ni l'autre. Cette place de Sedan avait son importance stratégique, puisque, se ralliant à tous par Mézières et l'embranchement d'Usson, elle était l'unique moyen de ravitaillement d'une armée opérant par le nord sur Metz, était à peine à l'abri d'un coup de main. Ni vivres, ni munitions, ni approvisionnement d'aucune sorte. Quelques pièces avaient 30 coups à tirer. d'autres 6, mais la plupart manquaient d'écouvillons. Le 1er septembre, les Français furent enveloppés et broyés comme en un creuset par l'artillerie allemande qui occupait les hauteurs. Deux généraux tombèrent, Treillard tué, Marguerite mortellement blessée. Beaufremont, alors, sur l'ordre de Ducrot, entraîna toutes les divisions contre l'armée prussienne. Il y avait le 1er hussard et le 6e chasseur, brigade Tillard, les 1er, 2e et 4e chasseurs d'Afrique, brigade Marguerite. Ce fut horrible et beau, c'est ce qu'on appelle la charge de Sedan. L'impression en fut si grande que le vieux Guillaume s'écria « Oh, les braves gens !» La boucherie fut telle que la ville et les champs environnants étaient couverts de cadavres. À ce lac de sang, les empereurs de France et d'Allemagne eussent pu largement étancher leur soif. Le 2 septembre, dans la brume du soir, l'armée victorieuse, debout sur les hauteurs, chanta un cantique d'action de grâce au dieu des armées, qu'invoquaient également Bonaparte et Trochu. Les mélodieuses voix allemandes, toutes pleines de rêves, planèrent inconscientes sur le sang versé. Napoléon III ne voulut pas des chances du désespoir. Il se rendit, et avec lui plus de 80 000 hommes, les armes, les drapeaux, 100 000 chevaux, 650 pièces de canon. L'Empire était fini et si profondément enseveli que rien jamais n'en put revenir. L'homme de décembre, aboutissant à l'homme de Sedan, entraînait avec lui toute la dynastie. C'en est fait désormais, on ne pourra jamais remuer que la cendre de la légende impériale. Il semble, sur le vallon de Sedan, voir, pareil à un vol de fantômes, passer la fête impériale menée avec les dieux d'Offenbach par l'orchestre railleur de la belle Hélène, tandis que spectral monte l'océan des morts. On a depuis attribué à Galifet ce que fit Beaufremont pour diminuer l'inoubliable horreur de l'égorgement de Paris. Nous savons que Galifet était à Sedan puisqu'il y ramassa le chapeau à plumes blanches de Marguerite. Cela ne fait absolument rien au sang dont il est couvert et qui ne s'effacera jamais. Les prisonniers de Sedan furent conduits en Allemagne. 6 mois après, la commission d'assainissement des champs de bataille fit déblayer les fossés dans lesquels, à la hâte, les morts avaient été entassés. On versa sur eux de la poix et à l'aide de bois de malaise, on alluma un bûcher. Sur les débris, pour que tout fût consumé, on jeta de la chaux vive. Elle fut, ces années-là, la chaux vive, une terrible mangeuse d'hommes. Fin du chapitre 7, enregistré par Jérémie.